Scène 10. On retrouve les mêmes personnages. Pacarel est à gauche, Marthe à droite, Landerneau et Julie sont au fond. Ah, mes amis, je suis aux anges. Il a une voix, voyez-vous. Tu l'as fait chanter? Non, mais je l'ai entendu tousser, et il a un creux. Aussi, j'ai immédiatement écrit au directeur de l'opéra pour demander une audition. Si tu le priais de chanter quelque chose. Volontiers. Mon cher Dufossé. Dufossé? Oui, chut. Je ne vous l'ai pas dit. Il est le fils naturel de Dufossé. Mais ne lui en parlez pas. Cela lui ferait de la peine. Oh, le pauvre garçon. Le docteur Landerneau va serrer la main à Dufossé par condoléance. Croyez que je prends bien part. Vous êtes trop aimable. Qu'est-ce qu'il a, le médecin? À propos de quoi? Rien. Chut. Je respecte les blessures. Vous avez raison. Ça regarde les chirurgiens. Quelle drôle de famille. Dis donc, chantez-nous donc quelque chose. Moi? Vous n'y pensez pas. Voyons, c'est bien le moins. Quelle sacrée manie ils ont de vouloir me faire chanter. Oh, monsieur, vous ne me refuserez pas à moi. Elle. Mais je vous assure que je n'ai pas de voix. Allons donc, on dit toujours ça. Je vous accompagnerai. Où ça, mademoiselle? Mais au piano. Oh, j'irai bien seule. Mais non, je vous jouerai l'accompagnement, là. Ah, vous me... Ah, parfaitement. Ce que je vais vous dire, les pianos, ils sont tous faux, à côté de ma voix. Enfin, nous essaierons. Alors, vous voulez que... Eh bien, tant pis pour vous, hein. C'est vous qui l'aurez voulu. Ah! Dufossé, s'adressant à Marthe, tout bas. Ah, vous m'avez donné bien du bonheur. Moi? Oui. Oh, mais, allez. Je vous en donnerai des jarretières. À moi? Mais il est fou! Qu'est-ce que vous voulez chanter? Ça m'est égal. Je sais un peu... Salut, demeure chaste et pure. Ah, je connais. Je l'ai refait. Amandine, s'adressant à Marthe. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Je ne sais. Il m'a offert des jarretières. Tiens, et à moi aussi. C'est une monomanie. Y êtes-vous? Voilà. Tout bas à Marthe en passant. Je vous aime. Ah mon Dieu, je suis aimée d'un ténor. Landerneau, qui a entendu. Il fait la cour à Marthe. Je surveillerai. Julie se met au piano et prélude. Dufossé, tous pour se mettre en voix. Comme c'est déjà beau! Comme on sent un grand ténor. Oh, c'est exquis. Chut, bibiche. Salut, demeure chaste et pure. Aïe, il y a un chat. Où ça? Faites-le sortir. Chut. Salut, demeure chaste et pure. Non, permettez. Vous descendez, on remonte. Moi, je descends toujours. Oui, c'est toujours comme ça pour les grands chanteurs. On modifie. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Dufossé salue et remercie. S'adressant à Julie. Voulez-vous recommencer, mademoiselle? Je suis. Ah. Julie prélude. Au moment où Dufossé ouvre la bouche pour chanter, on entend un orgue de Barbarie qui joue dans la coulisse. Oh! Que le diable l'emporte! C'est un mendiant devant la grille. Il faut lui jeter des sous pour qu'il s'en aille. C'est ça! Mais allez-vous-en! Allez-vous-en! Allez-vous-en! Allez-vous-en! Tous ont jeté des sous. Ah, il s'en va. Ce n'est pas malheureux. Tout le monde se réinstalle. Là, maintenant, si vous voulez bien. Salut, demeure chaste et pure. Salut, demeure chaste et pure. Oh, encore. Tout le monde remonte vers la fenêtre. Dufossé quittant le piano. Il n'y a pas moyen de chanter comme ça. Il joue un air, moi j'en chante un autre. Alors, ça fait un courant d'air? Ce n'est pas possible. Un courant d'air? Ah, mon Dieu, il a raison. Il pourrait prendre froid. Vite, fermez les portes. Couvrez-vous. Couvrons-le. Il se produit un remue-ménage général. Tous cherchent un objet pour couvrir Dufossé ahuri. Chacun se précipite, qui sur un foulard, qui sur un tapis de table, qui sur un manteau, pour couvrir Dufossé. Mais qu'est-ce qu'il y prend? Pacarel, une chancelière à la main. Un courant d'air. Ah, bien merci. Et il coiffe Dufossé de la chancelière. Au milieu du brouhaha général, Landerneau remarque. Eh bien, au fond, on ne serait pas connaisseur. On dirait, cet homme-là, c'est pas un chanteur, c'est une casserole. Fin du premier acte. Rideau.